L'amour humain, l'amour au niveau du sentiment. Puis lorsque l'homme rentrera dans l'évolution, lorsque l'homme rentrera dans le supramental, il s'apercevra que cet amour-là est totalement dépassé. Il était nécessaire dans le temps parce qu'il était dans cette vibration-là. Mais maintenant qu'il est dans une autre vibration, c'est totalement dépassé. Ça n'a même plus de sens dans son esprit de vivre de cet amour-là. C'est un autre amour qui vit, un amour qui est plus parfait, qui est plus juste, qui est plus précis, qui est plus intelligent, qui est plus volontaire. Un amour qui ne l'empêche pas de vivre, mais un amour qui donne à sa vie une multidimensionnalité qu'il ne peut pas avoir dans l'expérience de l'amour subjectif humain. Autrement dit, l'amour tel qu'on le connaît sur la Terre, c'est une condition de l'évolution, et l'homme doit dépasser cette condition d'évolution-là pour rentrer dans le grand cercle de l'intelligence magique de la sixième race. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas être dans ton mental pur, qui est régi par les forces de lumière, puis qui est régi par la volonté cosmique puis l'intelligence cosmique, puis être lié par des sentiments d'amour sur la Terre, entre les hommes, ou entre les familles, ou entre mari et femme. Tu peux pas être à la fois cosmique puis planétaire. Tu dois être un ou l'autre. Alors, à un certain moment, si tu passes de l'échelle cosmique, de l'échelle planétaire à l'échelle cosmique, il faut que l'amour en toi, tel que tu l'as vécu pendant des années de temps, se diminue jusqu'à un jour disparaître pour être remplacé par un autre niveau de conscience qui conçoit l'amour d'une autre façon, mais qui ne peut pas rapporter l'amour tel que l'homme l'a rapporté avant dans ses faits et gestes. Parce que cet amour-là, c'est un amour qui est totalement occulte, ce n'est pas un amour qui est conditionné ou créé ou lié à la tradition ou à la culture ou à la civilisation. Parce que l'homme qui vient demain, l'homme, le surhomme, l'homme mental, doit être totalement autonome. S'il est lié par l'amour humain, il ne peut jamais être autonome. S'il est dans l'amour cosmique, à ce moment-là, il est autonome. Mais s'il est dans l'amour humain, il ne peut pas être autonome. Supposons que tu es marié et que tu as une femme qui retarde ton évolution. Ton amour humain va t'empêcher d'aller dans cette direction parce que tu vas être attaché par sentiment à elle. Fait que tu retardes ton évolution. C'est pour ça que la transmutation du corps astral est essentielle pour l'homme qui rentre dans la sixième race. Sans ça, il retarde son évolution. C'est pour ça que je dis, il y en a très peu qui vont... Il y en a beaucoup d'appelés, mais il y en a très peu d'élus, parce que ça nécessite un déconditionnement total de l'appareil humain subjectif pour développer le pouvoir qui est interne à l'homme, qui fait partie de l'homme, mais qui fait partie de l'appareil transhumain, suprahumain, surhumain objectif. Appareil qui est contrôlé par les forces de l'intelligence, qui est contrôlé par les forces de la volonté cosmique, et non par le bon vouloir ou les sentiments de l'homme. Ça marche? La sensibilité, c'est une qualité de l'âme. L'émotion, c'est une qualité de l'âme. La sensibilité, c'est une qualité de l'âme qui est régie par l'âme, mais qui n'est pas comprise suffisamment par l'homme pour que lui puisse, à un certain moment, éliminer les abus de sa sensibilité. Parce qu'à un certain moment, son émotion va entrer en jeu. Alors, une sensibilité bien vécue, c'est une sensibilité qui peut être radicalement abolie si elle nuit à ton évolution. L'âme déverse dans l'homme de l'énergie. Mais j'ai dit dernièrement que l'homme doit, à un certain moment, renverser la relation qu'il a avec l'âme. Dans le passé, c'est l'âme qui run le show. T'sais, l'âme voulait évoluer, puis l'ego, lui, souffrait son désir d'évolution. Son ego demeurait existentiel, puis à un certain moment, son ego mourait, puis son ego réincarnait, puis son ego mourait, puis son ego réincarnait, pour le bénéfice de l'âme. Ça, c'est parce que l'homme vivait dans sa nature animale. Mais lorsque l'homme vit dans sa nature cosmique, universel, dans son intelligence pure, dans sa volonté pure, il est plus intéressé à devenir une poupée. Il est plus intéressé à être manigancé par l'âme. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être manigancé par l'âme? C'est sa volonté et son intelligence terrible. Cette lumière qui est au-dessus de l'âme, complètement au-dessus de l'âme, mais qui passe dans l'âme et qui régit adroitement l'ego et qui permet à l'ego de contrôler les énergies de l'âme. À ce moment-là, s'il y a trop de sensibilité qui vient vers l'âme à cause de sa grandeur d'âme, à ce moment-là, son mental, son intelligence et sa volonté peuvent couper ça et dire « Wow, c'est assez! » Parce que c'est ça la différence entre la sensibilité et l'émotion. L'émotion, c'est régi planétairement, et éventuellement, c'est détruit parce que l'homme cultive d'autres propriétés de lui-même, qui est le mental pur, Mais la sensibilité demeure. Moi, je suis un homme extrêmement sensible. Seulement que faut pas que ma sensibilité vienne empiéter sur ma vie. Faut pas que l'énergie que l'âme me donne, qui reflète sa lumière, vienne empiéter sur ma vie en tant qu'ego. Parce que si la sensibilité de l'âme vient empiéter sur ma vie en tant qu'ego, mon ego souffre de la sensibilité de l'âme, puis aussitôt, mon ego devient expérientiel. Puis mon ego, il est plus intéressé à l'expérience. Moi, je suis plus intéressé à de l'expérience. J'en ai plein le cul de l'expérience, je la connais instantanément, l'expérience. Fait que j'ai plus besoin d'expérience pour évoluer. Je suis arrivé au summum de mon évolution planétaire. Fait que je suis rendu au point où je suis redescendu dans la matière pour donner à l'homme de l'information qui fait partie de mon lien avec mon âme, qui fait partie de la fusion entre l'âme et mon ajusteur de pensée, autrement dit, qui fait partie de l'intelligence universelle qui peut finalement descendre dans le matériel, mais je veux pas que mon âme, et je ne peux pas permettre que mon âme, construise autour de mon ego une barrière, une frontière, qui sert simplement à son expérience à elle. Moi, j'en ai pas besoin d'expérience, parce que je la comprends instantanément, l'expérience. Faut que l'homme en arrive à ça. Pourquoi je suis comme ça? Parce que je suis dans l'intelligence. Je suis dans la volonté. Fait que l'âme, elle peut pas se servir de mon ego, puis m'arriver au bout de 80, 90 ans, puis me mettre dans la terre. Ça marche pas avec moi, ça. Mais ça, c'est vibratoire. T'sais? Bon. Il y a une différence entre sensible et vibratoire. Tout ce qui vient de l'âme, c'est vibratoire. Alors, la vibration, c'est une sensibilité aussi. Seulement que la vibration, quand tu te conscientises, elle est soumise au regard de l'intelligence et à l'approbation de la volonté cosmique. Comprends-tu ce que je veux dire? OK. Quand tu deviens conscient, plus tu deviens conscient, plus tout ce que tu es doit être parfaitement le résultat du mouvement de l'intelligence cosmique dans tes corps, de la volonté cosmique dans tes corps, ou de l'amour cosmique dans tes corps, si tu changes de plan. Mais toi, à ce moment-là, t'en bénéficies en tant qu'ego. Au lieu d'être esclave de l'âme, tu bénéficies de l'intelligence cosmique, de la volonté cosmique, ou de l'amour cosmique en tant qu'âme. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu es sur un. Un surhomme, c'est un homme qui n'est plus dominé par les forces de l'âme, mais qui domine les forces de l'âme. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est la différence entre un surhomme et un homme, c'est celle-ci. Mais c'est là que t'es dans l'esprit. T'es dans ton esprit. Tu es esprit. Tu fonctionnes en tant qu'esprit. Tu fonctionnes pas à l'intérieur de ta nature humaine. Parce que ta nature humaine a servi à constituer des principes d'organisation matérielle, émotif, mental, pour que l'esprit descende dedans et les allume, ces corps-là. Autrement dit, la nature humaine t'a permis de développer un corps vital, un corps émotionnel, un corps mental, et tout d'un coup, l'esprit rentre dedans, a fait vibrer le corps vital, a fait vibrer le corps mental, a fait vibrer le corps émotionnel, mais a les fait transcender dans leurs propres énergies, de sorte que l'homme devient sûr. Hein? Ça, le contact, non, le contact, c'est pas de la merde. Le contact, c'est essentiellement le rapport parfait entre l'intelligence cosmique de l'homme et l'intelligence parfaite du cosmos. Seulement que tant que l'homme, tant que son radio n'est pas ajusté, le contact, il faut que tu y fasses attention. Ben, c'est justement pourquoi est-ce qu'il faut que tu y fasses attention. Parce que l'homme est encore astral. Oui, mais qu'est-ce que tu fais quand tu perçois un petit peu plus de supramental? Tu le sais. Quand tu perçois un petit peu de supramental, un petit peu plus de supramental, un petit peu moins d'astral, tu le sais, ça fait partie de ça fait partie de ton savoir, tu le sais. Ça fait... Ouais, mais ça, ils font ça pour t'amener à réaliser la nature du supramental. Mais il aurait pu te faire marcher tout le long de la montagne aussi. C'est vraiment le dire. C'est pour ça que ça, c'est vibratoire, anyway. C'est toujours ajusté. Si ils disent, bon, ben, fais ci. S'ils disent, fais ci ou fais ça, suivant tes vibrations, tu peux le faire. Mais il vient un temps, moi, il n'y en a pas un sacrement qui va me faire marcher, qui va me faire sortir de site. Comment qu'ils me diraient ça? Parce qu'ils savent maintenant qu'ils peuvent plus le faire. Comme ça, quand tu crois que tu as le contact avec ton père et tes enfants, tu veux juste dire, OK, non. Non. Non. Bon, là, je vais l'expliquer, puis c'est bien important. Essayez de comprendre. Tout ce qu'ils font, d'abord, ils ont toujours raison. Ah, tout ce qu'ils font, ils le font pour une raison. Ils font toujours pour une raison. Seulement que toi, tant que t'es pas arrivé dans ta raison, qui ne comprend pas leur raison. Tu comprends ce que je dis? Ta raison, c'est moi. Non, ta raison, c'est ton intelligence. Ton raison, c'est le développement du mental. Quand ils t'amènent, quand ils disent, va à la montagne, il y a quelqu'un en bleu qui va venir, là, il y a une personne en bleu qui vient. Là, ça établit un lien de confiance dans ton mental. OK, bon, comme je dirais, moi, c'est un petit peu. OK, bon. Ça marche. Tant que t'en souffres pas, où t'en souffrirais de ça, c'est où la vibration sera suffisamment forte pour qu'il t'amène à faire des choses, puis ensuite que tu t'aperçois et qu'il rise de toi. À ce moment-là, là, tu commenceras à te fâcher. Whatever. Ça, c'est un terme humain, ridiculisé. Nous autres, on emploie toujours un terme humain pour expliquer ce qu'ils font. Mais c'est dans ton expérience, il vient un point dans ton expérience, dans ce contact-là, qui est réel. Il vient un point que tant qu'il ne te fatigue pas, ça marche. Tant qu'ils ne te fatiguent pas, ils peuvent faire des affaires pour te montrer que c'est réel, pour te montrer qu'il y a une objectivité là-dedans, pour te montrer qu'il y a une dimension de toi qui est en dehors de tes sens, ainsi de suite. Ça, c'est pour apprivoiser ton mental inférieur. C'est normal, c'est bon. Mais, s'ils vont trop loin, puis là, je dis trop loin, dans le sens que s'ils vont à un certain point où ça crée en toi de la souffrance, à un certain moment, tu vas dire, wow, c'est assez, là. Tu comprends? Bon, mais à ce moment-là, c'est là que tu commences à détruire en toi-même ton lien avec eux autres. Tu ne détruis pas dans le sens que tu les élimines de ta vie. Tu le détruis dans le sens que tu les empêches, eux autres, de jouer avec ton esprit. C'est à partir de ce moment-là que tu rentres dans ton intelligence et dans ta volonté. Ils vont jouer en autant qu'ils vont soulever en toi de l'énergie astrale. Puis, ils vont jouer avec toi, comme la façon qu'ils vont jouer avec toi, c'est différent de la façon qu'ils vont jouer avec lui ou de la façon qu'ils vont jouer avec elle. Il n'y a pas un être pareil. La lumière en nous autres, elle travaille différemment pour chaque individu. Seulement, moi, je vous donne simplement un point de référence pour tout ça, parce que je ne peux pas vous expliquer à tous les cas individuellement comment ça marche. Alors, je vous donne un point de référence, je vous dis, si ça ne fait pas votre affaire, ça ne fait pas votre affaire. Mais quand ça ne fait pas votre affaire, mettez la hache dedans. Mettre la hache dedans, autrement dit, pas les croire, pas te laisser écœurer par eux autres. Ça vient au fur et à mesure que tu développes le pouvoir de pas te laisser écœurer par eux autres. Mais ça fait partie de la clarté de ton intelligence. Ils peuvent pas eux autres descendre dans ton intelligence, dans ton mental inférieur, puis te donner l'intelligence instantanément. Parce que c'est un problème d'énergie. Ils seront obligés, tu capoterais. Fait qu'ils descendent lentement, puis c'est comme s'ils diraient, bon, mais écoute, là, comment ça s'appelle? Jean? C'est comme s'ils diraient, bon, mais Jean, là, écoute, là, il y a quelqu'un en vue qui va passer derrière. Fait que ça te donne un petit peu, ça te donne un petit peu de confiance dans ton mental. Et ils le font. Puis ils peuvent le faire, ça, de personnes de différentes façons. Mais le principe qui est important, c'est que ça, c'est totalement sans gravité, cette affaire-là. Mais où ça devient grave? C'est quand tu commences à dire à lui qu'il est le Christ. Ou après ça, t'es l'antéchrist. À ce moment-là, lui, faut qu'il comprenne ce que j'ai dit dans le séminaire. Faut qu'il comprenne, parce que là, t'es vraiment du sérieux, là. C'est sérieux dans ce sens que s'il croit trop à ça, il va casser les pieds à bien du monde, puis il va se casser les pieds à lui aussi, puis il va souffrir pour rien. Alors, rendu à ce cas-là, c'est là que c'est rendu important qu'il écoute ce que je dis quand je dis « croyez-les pas ». C'est dit que le Christ, que moi je suis le Christ, ou l'antéchrist, croyez pas. Fait que lui, s'il m'écoute, à ce moment-là, il sort de cette vibration-là. Il détruit leur capacité d'interférer au niveau de son mental, puis éventuellement, il change les vibrations de son mental, puis il rentre dans un mental qui est de plus en plus peu, de plus en plus peu, de plus en plus peu. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça avec lui? Parce qu'il y a tellement d'énergie émotionnelle, lui, qui se sert de son énergie émotionnelle, puis la meilleure façon de le faire sauter, lui, c'est de dire que c'est le Christ qui l'intègre. Ils prennent les extrémités de toute la valeur morale d'une personnalité humaine. Fait que tu comprends que lui, il fait de l'overtime. Fait qu'ils vont vous prendre, si vous êtes émotif, ils vont vous prendre par votre émotion. Si vous êtes humental, ils vont vous prendre par d'autres choses. Mais ils vont toujours vous prendre par quelque chose. Si vous étiez fusionné, vous n'auriez pas de choix. Si vous étiez fusionné, vous n'auriez pas de choix parce que vous essayez de fusionner. Mais vous n'êtes pas fusionné, ça se fait graduellement. Mais comme vous n'êtes pas fusionné, vous ne pouvez pas avoir la réponse parfaitement par vous-même. Vous pouvez l'avoir temporairement par l'extérieur. Servez-vous-en. Maintenant. Moi, j'en ai dit des millions de mots depuis que j'ai commencé à parler, puis il n'y en a pas un mot, 10 mots, qui n'est pas essentiel. Je vous en donne du stock, puis je vous donne du stock qui fait, parce que quand je vous parle à vous autres, je vous parle, mais c'est les vibrations qui vous amènent à sortir d'autres affaires et à comprendre d'autres affaires, c'est pas les mots. Fait que c'est important ce que je vous dis. Le mouvement de l'homme dans la lumière, c'est un mouvement qui est parfaitement conçu. C'est parfaitement conçu. Ils ont toujours raison, tout le temps raison. Seulement c'est avec le temps qu'il vient qu'il y a un équilibre entre toi et eux autres. C'est comme moi, je commence à arriver dans ma vie là, où j'ai un équilibre entre moi et eux autres. Mais l'équilibre n'est pas parfait encore. Il n'est pas parfait encore. C'est pour ça que je dis, je vais supprimer 184. Mais l'équilibre est suffisamment grand, là, parce que je suis rendu, moi, je suis pas un cadeau. Je m'en marre pas de main. Fait que l'équilibre est suffisamment grand, là, pour que je sois réellement... Assez bien dans ma peau. Ah! Le maudit pouvoir d'interception. Elle est là, ma force. Puis elle sera là, votre force. Le pouvoir d'interception. Comprendre, décoder, savoir exactement. Parce qu'il y a une chose que vous ne réalisez pas, vous autres. C'est que vous ne réalisez pas que vous avez de l'intelligence. Puis la raison pourquoi est-ce que vous ne réalisez pas que vous avez de l'intelligence, parce que vous avez de l'émotion. C'est votre émotion qui vous enlève votre intelligence. Si on vous opérerait l'émotion, tout ça, vous seriez surpris jusqu'à quel point vous avez de l'intelligence. Ah. Au fur et à mesure que vous vous désémotionnalisez, automatiquement, votre pouvoir de réception grandit, automatiquement, vous devenez plus fat, automatiquement, vous comprenez plus, automatiquement, vous ne pouvez plus faire casser les pieds, automatiquement, vous devenez plus centré, automatiquement, vous vivez votre vie, automatiquement, vous passez d'un stage à l'autre, et tout ça. Fait que rendu à un certain point, t'as assez de force, t'es suffisamment fort dans ton énergie, que tu peux prendre n'importe quoi. Fait qu'il t'en donne une dose, t'apprends, puis t'avances. Tu peux plus reculer, tu peux plus affaiblir, tu peux plus être faible, tu peux plus être planétaire. Fait qu'à ce moment-là, tu vis réellement comme un homme. Tu es un homme, dans le sens réel du terme. Moi, je vous regarde dans vos yeux des fois, vite, puis... Moi, je vous aime bien personnellement, mais je réalise que ça va prendre des années avant que vous en arriviez à cette mentation, à cette... C'est ça. À ce point où vous n'aurez plus besoin d'un homme pour vivre sur la Terre. Votre énergie sera suffisamment grande que vous n'aurez plus besoin d'un homme pour vivre sur la Terre parce que vous ne ferez plus partie de la cinquième race. Mais, très voyons, hein? Je vous venez depuis longtemps. Moi, je me rappelle quand il est venu à un séminaire. Ah, il travaille sur ça. Il n'y en a pas un des autres fait pareil. Pain. Ça marche, c'est une affaire d'émotion. Il y a d'autres questions, là? Allez-y, qu'on y marche. Comme lui, il disait tout à l'heure, à Paroi, il y a une femme en vue. Mettons qu'il se dit, bon, non, tu gars, il va pas avoir. OK. Il aurait été bien de faire ça. C'est vibratoire! Incroyable. Tu peux pas le faire tant que tu peux pas le faire! Moi, ils me l'ont fait une fois, je vous l'ai dit dans le sud, dans le jungle, ils m'ont fait attendre toute une soirée pour une Christie de seconde volante. Mais l'enfant chienne, quand j'ai vu qu'elle venait pas, j'ai dit, dans le cul, peinture, puis j'ai dit, tu me reprendras plus jamais, mon enfant chienne. Ils m'ont jamais repris. Mais moi, j'étais une tête de cochon. Moi, c'est parce que j'étais un initié. Puis je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite. Final, après. Moi, tu me fais pas faire deux fois le tour du parc, je fais le tour du parc. Une fois, je connais toutes les frontières du parc, c'est fini. Mais vous autres, ils vont vous reprendre. Fait que tant qu'ils vous reprennent, ils vous reprennent. Parce que c'est justement ça, l'initiation solaire. C'est qu'ils vous reprennent, puis ils vous reprennent, puis ils vous reprennent, puis ils vous reprennent, tant qu'ils peuvent plus vous reprendre, quand ils peuvent plus vous reprendre, ils sont contents. Là, ils ont pleuré, ils ont avancé, ils ont compris quelque chose. Là, ils vont vous reprendre sur d'autres choses que vous n'avez jamais imaginées. Mais ainsi de suite. D'ailleurs, ils vont vous reprendre toute votre vie. Votre transition vers le supramental, c'est constamment une suite d'obstacles qu'ils vont mettre à tous les niveaux, dans votre route, puis dans votre route, jusqu'à temps que vous ne puissiez plus être prisonnier de ces obstacles-là. C'est ça l'affaire, c'est tout ça le jeu. Mais tu peux pas être plus fat que l'esprit, Charlie, t'es fait de ça! L'esprit, c'est ce que c'est de l'esprit. L'intelligence cosmique, l'intelligence qui a créé les galaxies, les univers, les systèmes solaires. L'esprit. Voyons. Voyons. Mais on a le pouvoir en tant qu'homme parce qu'on a des êtres avec des âmes. On a le pouvoir d'avoir, de participer à cette intelligence-là. Mais il nous donne sa petite dose, sans son pétrette. Fait qu'il va te mettre, tu deviens smart. Tu deviens smart, puis tu deviens smart, puis tu deviens smart. Puis tu le sais quand tu deviens smart. Moi, si quelqu'un me demande, t'es-tu smart, parlant, on m'a dit, ah, maudit. Pas aîné, moi. Puis il me dit, prouve-moi, il m'a dit, pas de tes affaires. Tu vois? T'as rien prouvé! T'es barricadé en dedans de toi-même, c'est final. Vous autres, vous rationalisez, puis vous rationalisez, puis vous rationalisez, puis vous rationalisez. Tu peux pas rationaliser avec l'esprit. Un ajusteur de pensée, mon cher, c'est de la lumière pure. Puis ils font partie de nous autres. Fait que c'est à nous autres à vivre, à avoir de leur lumière. C'est ça notre intelligence, puis notre volonté, à tout casser. Après ça, on est bien. Comprends? C'est ça la fusion, c'est pour ça qu'ils veulent fusionner avec l'âme. Quand tu fusionnes avec l'âme, eux autres, capte pas. Mais il faut qu'on sorte de la condition humaine. Ce qui nous pogne dans la condition humaine, c'est nos émotions. Rationalisez tant que vous voudrez vos émotions. Au bénéfice de la famille, au bénéfice du gouvernement, au bénéfice de la société, n'importe quoi. Un jour, vous comprendrez que si vous rentrez en force, en relation avec leur énergie, ils vont vous faire mettre la baraque à terre. Parce que tu peux pas être cosmique et planétaire en même temps. C'est un des deux. T'as pas de choix. Moi, ma grande souffrance, tant que je n'ai pas fini ces maudits signes-là, ma grande souffrance, c'est de savoir, puis vous parler, puis savoir que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis avant tant de temps. Ça, c'est ma seule souffrance. Si je pouvais vous parler, puis dire, bon, ben c'est fini, j'ai parlé, ils ont compris, je ne souffrirais pas. Mais le fait de savoir que ça va prendre tant d'années pour lui, puis tant d'années pour lui, puis tant d'années, c'est ça ma souffrance. Puis la seule chose qui me réconforte, c'est que je revois les gens qui reviennent. Ça me réconforte. Ça me réconforte. C'est ça, mon réconfort. Sans ça, ça deviendrait un supplice de travailler de même. Dis des choses. Moi, je parle dans le vide pour remplir un plein tout à l'heure. Je vous parle pour demain. Je vous parle toujours pour demain. Puis demain. C'est pas comme quand tu vas à l'école ou que tu vas dans une société ésotérique puis t'as le maître devant toi là, qui te compte des bœufs, des pommes, là. Puis t'aimes ça parce que c'est grandiose, puis c'est spirituel, puis tu tombes dans l'astral, puis tu vois des belles lumières, puis des belles femmes, puis du beau monde, tout en blanc. Ça, c'est le fun, parce que ça flatte ton ego, ça flatte ton astral, ça flatte ta nature humaine, ça flatte ta nature spirituelle. Mais quand tu te flattes tout, c'est pas un cadeau, c'est ça. Quand t'es obligé de parler de psychologie, au lieu de parler des systèmes, puis de ci, puis de la grande science cosmique, tu es obligé de rester au niveau de la psychologie, parce que tu sais que la psychologie est la plus importante de tout. Le reste, demain, vous ne saurez rien anyway, ces affaires-là. Mais ce qui est plus important pour vous autres, vous dites, c'est de la psychologie. Pas la psychologie investir. Psychologie de l'âme. C'est ça qui est fatigant. Heureusement que les gens ont des bonnes vibrations. Sans ça, je te crée très simple. Lui qui m'arrive avec ses objections, Amy Michel. C'est son fond que je regarde pas ses crises d'objections. Tu voudrais qu'il m'arrive avec ses objections. Je dis, va-t'en là chez vous. Ah, c'est son fond. Fait que t'es obligé de regarder dans le fond du gars. Puis simple le fond. Là, tu vois le fond qui monte, puis monte. Simple le fond qui t'intéresse. Pas surface. Pas vos surfaces, vos personnalités. Vos personnalités sont toutes au service de votre ego, sont pas au service de votre esprit. Quand je dis à l'homme qu'on est totalement ignorant. Moi, il n'y a pas une forme que je ne peux pas détruire. Arrivez-moi avec n'importe quoi dans toutes vos théologies. Moi, tout vous mettre ça à terre. Même la cosmogonie, je peux en mettre à terre. Pas le temps à faire. Toutes les formes servent à l'évolution. Sont nécessaires, sont belles, sont grandes, et ainsi de suite. Mais un jour, l'homme doit être totalement en dehors de la forme. Tu ne peux pas créer et être dans la forme. C'est impossible. Faut que tu sois totalement dans la lumière pour créer. Mais vous autres, vous savez pas qu'est-ce que c'est. Les femmes, vous ne les voyez pas. Tout ce que vous voyez, c'est les murs, puis le plancher, puis le monde, tout ça. Moi, je m'engueule avec eux autres, des fois. Combien de fois j'ai dit, la condition de l'homme aujourd'hui sur la Terre, il y a des êtres, pas eux autres, pas les êtres de lumière. Il y a des êtres, il y a des civilisations qui en sont responsables de cette situation-là. Il y a des extraterrestres qui sont venus durant la période égyptienne, qui sont venus durant la période tibétaine, durant la période atlantienne, qui sont responsables de la condition humaine. Ils ont fait des actes qui n'auraient dû jamais être faits, ces actes-là. Ah, l'humanité aujourd'hui en paye, paye pour. Oui, c'est pour ça que vous parlez des extraterrestres. Ils travaillent au niveau de leur mental, les autres, qui ont pu faire ça, c'est au courant des lois. C'est pas parce que tu travailles au niveau de ton mental que ton mental est parfait. Quelle différence qu'il y a entre l'homme et les extraterrestres? L'homme n'est pas plus parfait que les autres. Il y a des extraterrestres qui sont très avancés, mais c'est pas le fait que tu es biologiquement organisé qui te donne le pouvoir de la science du parfait. C'est l'évolution de ton âme qui te donne ça. C'est à cause de l'évolution de l'âme et le contact entre l'âme et l'ego, puis la fusion entre la lumière et puis l'âme dans l'ego qui permet, qui donne le pouvoir parfait de la science. C'est ça que l'homme a besoin. À ce moment-là, que tu sois sur la planète Terre ou que tu sois sur une autre planète, ça n'a pas de crise de différence. Tu comprends tout anyway. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, c'est toujours conditionné. Tout ce qu'on pense, c'est conditionné. Quand je dis que l'homme doit en arriver un jour à pouvoir penser des pensées impossibles, je sais ce que je veux dire. Penser des pensées impossibles, c'est savoir. Aussitôt que tu penses des pensées possibles, t'es dans la merde. Parce que les pensées possibles font partie de la mémoire de l'humanité. Tu peux pas penser avec les mémoires de l'humanité. Faut que tu penses, faut que tu vives des pensées qui sont totalement cosmiques, qui sont totalement absolues, qui sont totalement en dehors du temps. Des pensées qui, une fois modulées au niveau du rayonnement de ton âme, puissent créer des formes pour créer des univers nouveaux, des mondes nouveaux, des formes nouvelles, une science nouvelle. Une des grandes raisons pourquoi est-ce que je vais te faire tant, c'est pour essayer de vous faire passer dans le canal quelque chose que je ne peux pas expliquer en mots. Un exemple de ceci, c'est ceci. C'est que quand l'homme devient cosmique, je déteste ce mot-là, mais quand l'homme devient conscient, quand l'homme entre dans l'intelligence universelle, dans la volonté, dans l'amour, quand l'homme vit de ses trois principes, automatiquement, il est seul. Automatiquement, il est créateur. Automatiquement, il est indépendant. Automatiquement, il a la maîtrise de toutes ses limites. Automatiquement, il ne peut plus être influencé par aucun être qui est en dehors de la lumière. On a dit? Il peut pas. Et tout ce qui est dans la lumière est en fusion avec lui, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est en dehors de la lumière, qui fait partie des plans d'évolution du cosmos, que ce soit extraterrestre ou intraterrestre ou quoi que ce soit des maîtres spirituels, n'importe quoi, il ne peut plus être influencé par les autres parce qu'il est dans la lumière. Quand un ajusteur de pensée qui fusionne avec ton âme, Charlie, c'est final. C'est final. C'est final. Fait qu'il n'y a pas un Christ de maître qui peut t'arriver et te compter des babillards spirituels. Tu vas mettre des trous dedans, tu vas écribler. Parce que t'es dans la lumière. T'es plus dans la lumière astrale. T'es dans la lumière. C'est pour ça que l'homme un jour sera totalement. C'est pour ça qu'au cours de la septième race, l'homme sera un homme esprit. Rien. Sans ça, on est toujours influencé, puis on est toujours sous l'influence d'un autre. On est toujours dominé d'une façon ou d'une autre. Tu peux pas vivre et être dominé. Même si t'es marié, tu peux pas vivre et être dominé. Faut que ce soit ensemble, cette affaire-là. Tu marches ensemble dans la même direction-là parce que t'as voué la même direction. T'es dans la même énergie. On ne peut pas être dominé. Surtout au niveau des idées. Encore pire au niveau des idées, parce qu'on vit d'idées. C'est la nourriture du mental, l'idée, comme la nourriture chez Steinberg, c'est la nourriture de café. Il faut que vous soyez amené à vivre de ce que vous savez. Puis mon but, le but de mon travail, c'est ça. Tu peux pas demander à un homme de transmettre ce qu'il est. Ça se fait pas. Parce que la chose la plus importante dans le cosmos, c'est l'expérience. La seule chose dans le cosmos qui ne se transmet pas, c'est l'expérience. Le savoir se transmet. Mais l'expérience, ça se transmet pas. Ça se transmet pas. Puis chaque homme vit son expérience selon lui-même. Selon l'évolution de son âme, selon l'évolution de son ego, selon son état émotionnel, son état mental. Oui, ma femme a peur, elle crève demain matin, il n'y a rien là. Je vais communiquer pour te répéter avec elle, final. On se verra sur un autre plan, final. Il n'y a plus de dimension humaine qui me rattache à une condition d'évolution ou d'involution qui m'empêche d'être totalement en dehors de l'influence vibratoire du corps astral. Puis ça, vous ne comprenez pas. On ne peut pas vivre astralement. On peut se servir de notre corps astral, mais on ne peut pas vivre sous la domination de notre corps astral. Tu sers des corps pour fonctionner, mais tu ne peux pas être dominé par les corps. Mais l'expérience des enfants de lumière est pénible parce que l'expérience des enfants de lumière, c'est une expérience qui ne se mesure pas. C'est pour ça que les enfants de lumière, les enfants qui s'en vont vers la lumière, ne peuvent pas mesurer leur expérience. Ils peuvent la sentir, ils peuvent la savoir jusqu'à un certain point, ils peuvent la connaître jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas la mesurer parce que la mesurer, ça fait partie du corps de désir. Aussitôt que tu veux me retirer quelque chose, ça va partir du corps de désir. Puis le corps de désir doit être totalement épuré. Ah, vos expériences vous servent à ça. Quand on est fusionné, on est extrêmement fort dans la souffrance parce qu'on est fusionné, fait qu'on n'a pas de choix. Fait que la force qu'on a, c'est pas un mérite humain, c'est pas un mérite au niveau de l'ego, au niveau de la volonté de l'ego, parce qu'on est fusionné, on n'a pas de choix. Ça, c'est une condition de l'âme. Mais quand on n'est pas fusionné et qu'on souffre des souffrances, à ce moment-là, il y a un certain niveau de mérite au niveau de l'individu qui peut se passer à travers ces expériences-là. Bien que les expériences ne soient pas absolument aussi difficiles, parce qu'il y a toujours une restreinte à cause des conditions de l'âme, à cause du fait qu'il n'est pas fusionné, qu'il y a des mécanismes automatiques qui peuvent le faire éclater, automatiquement, l'homme lui-même qui entre et qui peut aller vers cette découverte de lui-même constamment, ça révèle chez l'homme une grandeur d'esprit énorme. Puis c'est cette grandeur d'esprit-là qui deviendra éventuellement pour l'homme son point de repère. C'est ça que vous découvriez, votre grandeur d'esprit. Mais vos émotions vont toujours rentrer en jeu. Ou si votre esprit devient grand, là, il y en a qui sont moins pires. Elle, ça n'est un exemple. Elle, ses émotions n'entrent pas en jeu avec la grandeur de son esprit parce qu'elle a une tête de cochon. Fait que quand tu as une tête de cochon, automatiquement, tu tiens à ce que tu es. Il y a une partie de toi là, qui tient à ce que tu es. Mais ça fait partie de l'évolution de son ego. Mais les gens ne sont pas tous de même. Il y a des gens aussitôt qui se voient le moindrement dans une consistance intelligente ou volontaire qui se mettent en doute. Mais ça, c'est votre expérience qui va vous amener à sortir de ce maudit doute-là de vous-même. C'est ça qui me passe. Moi, je m'affasse parce que je comprends tout. C'est ça que je m'affasse. Si je ne comprenais pas tout, je ne m'affasserais pas. Mais je m'affasse parce que je comprends tout, puis je comprends jusqu'à quel point on est immunisé contre le cosmique. Puis les forces en nous autres qui veulent nous empêcher d'entrer en contact moindrement avec cette lumière-là sont incroyables. Incroyables. Extraordinaire. Fait que demandez pas pourquoi sur une planète de 4-5 milliards d'habitants, il y en a un petit nombre qui vont passer de l'autre bord. C'est naturel. Si t'as pas de même, ça sera pas naturel. C'est naturel. Il n'y aura pas de problème de population de l'autre côté. C'est vrai que je pense que c'est un peu comme le canard. Il bloque le canard. Aussitôt qu'on vit au niveau de notre personnalité égoïque, égocentrique, on bloque le canal. Fait qu'il m'aime tout les choses qui est bloqué le canal. Mais les gens avancent un petit peu, puis avancent un petit peu, puis avancent un petit peu, puis avancent un petit peu, puis avancent un petit peu. Au moins les gens avancent. Mais ça prend des années, puis des années, puis des années, puis des années. Il y en a qui ont peur de ne pas arriver au bout. Il y en a qui ont peur de manquer le train. Il y en a qui ont peur de ne pas rentrer dans les terres. C'est encore de la stérilité. Même ça, ça bloque le canal. C'est pour ça que je donne comme dénominateur commun que l'homme doit en arriver à être bien dans sa peau. Si les gens peuvent comprendre, peuvent commencer à réaliser d'être bien dans leur peau, je suis satisfait avec ça. Parce que je sais que ça, c'est une règle de mesure suffisamment stable pour les amener petit à petit à apprécier le fait d'être bien dans sa peau et de ne pas chercher à être heureux, là, puis toutes ces conneries-là. Mais que les gens cherchent à être heureux, je comprends ça. Mais ça fait toujours partie de votre condition de chercher à être heureux. Quand tu as dépassé cette condition-là, tu n'es plus intéressé à être heureux, tu es intéressé à être bien dans ta peau parce que c'est plus grand qu'être heureux à être bien dans ta peau. Il y en a-tu qui comprennent ça? Bien plus grand. Il n'y a pas de up, puis il n'y a pas de down. Aime une journée, puis t'es haï le lendemain. Tu l'as, tu l'as pas. Pas une vie, ça. Faut que tu l'aies tout le temps. Puis le doute personnel, la mécanique du doute, moi, je vais vous l'expliquer d'une autre façon. La mécanique du doute est très subtile. La mécanique du doute est fondée d'abord sur l'impossibilité à l'homme de comprendre la nature de son intelligence. Si vous compreniez la nature de votre intelligence, vous n'auriez pas de doute. Celui que j'ai parlé avec des lunettes ce soir. Monsieur Côte-Noir. Si Monsieur Côte-Noir avait comprenait la nature de son intelligence, il ne souffrirait pas cette affaire-là. Parce qu'il dirait, voulez-vous m'en laver d'une sacrée affaire, vous autres, de mon niaiserie? Puis automatiquement, il couperait le contact. Là, automatiquement, il renforcera son mental. Puis il renforcera son mental parce qu'en disant ça, quand tu te fâches contre l'autre, tu dis, ça crape, tu détruis en toi de l'émotion. C'est pour ça que c'est important de se fâcher, parce que tu détruis en toi de l'émotion. Puis c'est à cause de l'émotion en toi que ça, moi, si me dirait dans ma tête, t'es l'antéchrist. Je vais pas émotivement. Fait que ça équivaut à comme moi, si moi, je te disais une niaiserie. On dit des niaiseries entre hommes, fais des jokes. Bon, moi, je peux te dire. Je peux te dire à toi, t'es bien niaiseux, t'es pas venu me voir hier. T'es bien niaiseux. Mais quand c'est dans ton esprit, puis qu'eux autres te disent t'es bien niaiseux, ça fait la même vibration. T'sais, que moi je te dis ici, t'es bien niaiseux, là on est ici, là, t'sais. Mais quand c'est dans ton mental que tu te fais dire t'es bien niaiseux, il y a une vibration. Il y en a une même là. Ouais, ouais, il y en a une même là. Fait qu'imagine-toi les choses, comment tu calmes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas ça que je veux dire, je fais une face. Bon, mais la même chose peut arriver entre toi et eux autres, mais toi, tu te feras prendre dans le jeu. C'est comme toi, tu te feras prendre dans mon jeu, bon, mais toi, tu te feras prendre dans leur jeu, eux autres. Comprends-tu? Bon, mais si toi, sur le plan humain, tu me dis, comment est-ce que tu pourrais défaire ça, cette affaire-là? C'est une autre dimension, sur le plan humain. Bon, tu prends ça avec la claque. Tu pourrais dire, on va te montrer, je suis niaiseux. Comprends-tu? Bon. Fait qu'après ça, je ne vais pas revenir pour te le dire encore. Tu comprends? À moins d'être bien niaiseux moi-même. Bon, ben, ça, c'est la même chose. Tu coupes l'arbre. Fait qu'éventuellement, il t'achète plus. Bon, ben, c'est ça qui fait partie du fameux phénomène d'interception de l'intelligence. Puis de la possibilité d'émotivement décoder tout ce qui est émotif dans le langage entre eux autres. que quand vous êtes capable de décoder tout ce qui est émotif dans le rapport entre vous autres, eux autres, il reste rien du mental. Fait qu'à ce moment-là, ils te parlent quand c'est le temps, après ça, ils te parlent pas. Quand ils disent quelque chose, au moins, c'est de l'information qui sert. Là, tu tombes dans l'intelligence. Là, tu tombes dans l'intelligence. Que tu vis dans l'intelligence, qui est ton intelligence, qui est l'intelligence, que ce qui est en haut est en bas. Puis c'est la même chose au niveau de la volonté, puis plus tard, c'est la même chose qui est au niveau d'amour. Mais il faut qu'on puisse le voir, leur jeu, instantanément. C'est pour ça que je vous dis, apprenez donc une fois pour toutes à vous considérer d'abord intelligent. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là, il y en a qui se considèrent intelligent à partir du point zéro. Mais il y en a qui ont de la misère à se considérer intelligent. Elle, ça en était un exemple avant, la petite. Elle n'était pas capable de se considérer intelligent. Aujourd'hui, elle se considère intelligente, puis assez intelligente, puis elle est bien. Eh bien, elle l'a compris, la maudite bébé. Parce que je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas un homme de pas intelligent. Ce qui nous rend pas intelligents, c'est nos maudites émotions, puis nos émotions nous empêchent de nous considérer intelligents. Fait que c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas un homme de pas intelligent. Puis qu'est-ce qu'on fait la grande erreur? On se compare toujours, parce que l'autre gars devient doctorat, puis lui il a une maîtrise, puis il est fini en deuxième année, fait qu'il se compare pas intelligent. Là, c'est une maudite erreur qu'on fait. L'intelligence, c'est pas si t'es un doctorat ou si tu n'as pas. L'intelligence, c'est vital. Ça fait partie de nous autres. Puis ça transcende l'éducation, puis ainsi de suite. Parce que quand tu rentres dans ton intelligence, l'éducation, tu peux tout diviser ça. Tu vois à travers comme tu as à travers d'une lentille. Tu peux plus te faire embarquer dans des portes. Tu vois à travers toutes les portes. Fait qu'il faut que les gens comprennent l'importance de se voir, de se sentir intelligent. De savoir qu'ils sont intelligents. Ils sont peut-être pas bien éduqués, mais ils sont intelligents. Ça, c'est important, maudit. Comment? C'est essentiel. Parce que c'est de là que tu en arrives à ta vraie intelligence. Si tu ne te considères pas intelligent, tu ne peux pas arriver à ta vraie intelligence. Tu vas la nier tout le temps. Qu'est-ce que tu vas nier? Tu vas nier tes intuitions, d'abord. Tu vas nier les feelings. Beaucoup de choses que tu vas nier les feelings, là, tu vas te faire embarquer par toutes les influences extérieures. Fait que tu n'arrives jamais à toucher ton intelligence. Et quand tu commences à sentir ton intelligence, puis à le réaliser que tu n'as de l'intelligence, puis que tu es intelligent, puis que tu deviens de plus en plus intelligent, toutes tes émotions se transmettent. À ce moment-là, t'as le haut de pavé, que tu rencontres des intellectuels ou non. Tu vois à travers la game, si t'as pas les mots pour leur expliquer, pour dialoguer avec eux autres, parce que t'as pas la mémoire des mots, parce que t'as pas le pouvoir, à ce moment-là, tu restes dans ton coin. T'as le discernement, puis tu sais que si le gars, ce qu'il dit, le gars, c'est du connerie ou non. Il est doux, non? Bah, c'est le temps, tu sais. Puis t'as rien à prouver, tu restes dans ton coin, puis t'es bien. Puis si tu l'as, si t'as le vocabulaire, puis t'as les mots, puis t'es allé à l'école, à ce moment-là, tu vas faire une discussion avec lui. À ce moment-là, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas changer tes vibrations. C'est automatique! Parce que t'es dans l'intelligence! Là, il va dire, ah, c'est intéressant. Puis si tu l'as pas, ben, c'est parce que tu dois pas l'avoir, fait que reste dans ton trou. Tu commences à comprendre quelque chose dans la mode puis devenir un séminaire? Oui. Parle-moi donc. Ben, je suis moins dans la salle, mais je le suis encore. Par rapport, supposons, avant ça, je... Bon, regarde ça. Rama, quand il parle, c'est par rapport au supposons. C'est stupide, moi, je vais expliquer ça. Il y a trois choses. Quand tu dis par rapport, ça veut dire que d'abord, tu n'es pas sûr. Tu considères la possibilité, puis tu as entendu ce qui a été dit autour. Ça, c'est par rapport. Puis supposons, c'est parce que tu ne veux pas t'inculper. Donc, tu ne peux pas dire que c'est ça. Quand tu te rentres dans ton intelligence, tu ne peux pas dire par rapport, supposons. Tu ne peux même pas te permettre, parce que tu n'es pas capable de dire « je pense que ». Tu ne peux pas dire « je pense que ». Tu ne peux pas dire « je pense que ». Parce que dans « je pense que », il y a du doute. Quand tu es conscient, tu ne peux pas dire « je pense que » ou « par rapport, supposons ». Plus tu rentres dans ton intelligence, plus tu es absolu quand tu parles, Puis au début, ça te crée des petites tensions. Parce que quand tu deviens absolu quand tu parles, ton émotion réagit, ton ego réagit, Puis là, tu te dis dans ton égo, qu'est-ce que je me prends, moi, là? C'est comme ça. Moi, je sais, j'en ai fait expérience au début, quand ils m'ont contacté, je disais, wow, c'est assez, là. Avoir toujours raison, je commence à en avoir plein de cul, parce que je commence à avoir les épaules pas mal pesantes. Faut là qu'ils me montrent que c'est le même, puis c'est à moi de l'accepter que c'est le même. Avec le temps, c'est le même. Mais c'est dur pour l'ego de s'apercevoir, puis de réaliser qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison, puis qu'il a raison. Plus son intelligence grandit. C'est un poids, avoir raison. Tu peux dire, je pense que.